British Connection. You rock. J'aime pas le rock. Go. Salut les amis, c'est Philippe, c'est British Connection pour votre avant-dernière émission de la saison. Une première heure avec une nouveauté, Biffy Clyro, Pierre Savanet nous parlera de The Dirty Columns, il y aura du Joy Division, du Fat Bull Slim et bien d'autres. Et puis en deuxième heure, je recevrai le Did, président du Cri de la Lubilule. Il nous parlera du festival Rockin' Kiosk le 19. C'est ce samedi à Saint-Michel-sur-Orge. Bienvenue, on est ensemble pour deux heures de rock, d'excellent rock. British Connection. Et puis ça, le titre original date de 69, un groupe néerlandais, Shocking Blue, puis 10 ans après une version française avec Sacha Distel, puis les Bananarama. Aujourd'hui c'est Royal Republic, Vénus. Venus was her name. She's got it. Yeah, baby, she's got it. La société de consommation, il ne l'aime pas les Gang of Four. Market of the senses, dream of the-

2022, c'était le début de la guerre en Ukraine. Eh bien, le groupe Béton s'est formé justement en reprenant du Clash, Kiev Calling. British Connection, c'est bien joli tout ça, mais il n'y a même pas un titre francophone. Vous y pensez au quota de chansons françaises ? British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, c'est Viber de Sidi Larsen. Nous vous proposons de gagner vos invitations pour notre concert à l'Olympia du samedi 11 octobre 2025. Et c'est ici, dans British Connection, avec Philippe. Et pour ce faire, vous allez sur la page Facebook de l'émission, vous laissez vos coordonnées, il y aura un tirage au sort à la fin de cette émission et vous serez un certain nombre à gagner deux invitations pour Sidi Larsen à l'Olympia. Si la terre est plate, si la terre est plate, tu passes au travers, tu peux voir Lucifer. We'll be right back. British Connection. Philippe, tu m'en donnes encore de ta British Connection ?